Chapitre 11e. Vers le milieu de mai, Claire déclara un beau jour à son mari qu'elle avait besoin de l'air de la campagne et qu'elle serait heureuse de s'installer immédiatement à Château-Frayé. « Sitôt, » dit Raymond. « Vos goûts sont devenus bien bucoliques, ma chère Claire. Il vous faut les lilas maintenant et sur place. »« Mon Dieu, oui, mon ami. Comme à vous le grand prix. Que voulez-vous, tout change ? C'est moi maintenant qui aime Château-Frayé. Moi qui songe que votre mère y est seule et que leur plaisir à nous y voir. Plus de plaisir apparemment que vous à y venir. » De fait, ce départ contrariait les projets de Raymond. Le peu d'empressement qu'il mit à se rendre aux vœux exprimés par Claire confirma celle-ci dans l'idée que son mari devait avoir des raisons qu'il ne disait point pour accueillir d'aussi mauvaise grâce sa proposition. Le soir même de leur arrivée, comme ils faisaient ensemble le tour du parc, tandis que Madame Blacher vaquait aux derniers préparatifs de leur installation, la jeune femme s'arrêta tout à coup devant la statue décapitée du Sylvain d'Encens. « C'est ici que vous m'avez dit pour la première fois que vous m'aimiez, il y a 2 ans. Me le diriez-vous encore aujourd'hui ?»« Ma chère amie, » répondit-il sur ce ton de badinage, qui lui était maintenant coutumier et qui contrastait si fort avec le ton sérieux dont elle lui reprochait autrefois de ne pas assez se départir. « Ma chère amie, je vous préviens que vous devenez abominablement sentimentale. Vous m'avez rendu le service de me guérir de ma sentimentalité. Souffrez donc que je vous signale les progrès inquiétants de la vôtre. Répondez à ma question au lieu de vous moquer. Sur ce sol pleureur, arbre cher aux âmes sensibles, sur cette statue qui vous ressemble, attendu que vous avez, comme elle, perdu la tête, je jure... Ah, taisez-vous! Vos plaisanteries me sont odieuses! Et brusquement, elle rentra. Le lendemain, Claire évita de parler à son mari. Cette bouderie persistante et les questions qu'elle provoqua de la part de Madame Blacher, les reproches que Raymond reçut de sa mère à cette occasion, un certain mécontentement qu'il éprouvait contre lui-même et qui n'était que la protestation, timide encore, de son honnêteté native contre les subtilités auxquelles il avait recours pour déguiser aux yeux de sa conscience le caractère équivoque de son intimité avec Madame de Sizrac, le dépit d'avoir dû s'éloigner de Paris, à la veille de la publication d'un nouveau livre, un recueil de nouvelles dont il allait chaque jour avant ce départ lire les épreuves à son ami, tout en un mot, contribuer à mettre le mari de Claire dans un de ces états d'esprit où le moindre incident devient prétexte à une explosion de mauvaise humeur. Or, il arriva qu'une 15aine de pages manuscrites qu'il envoyait par la poste à l'imprimerie, sans avoir eu la précaution d'en prendre copie, s'égarèrent. Il en conçut une irritation des plus vives et déclara que l'accident ne se serait pas produit si l'on ne l'avait pas obligé à quitter Paris au moment même où sa présence y eût été le plus nécessaire. « Libre à vous d'y retourner, » dit Claire, profondément blessée. « Vous avez raison, » répondit-il sèchement. « C'est en effet ce que j'aurais de mieux à faire. » Et il se fit conduire au chemin de fer. Quand il rentra, le soir, pour dîner, Claire, dont le ressentiment n'avait pas désarmé, eut la fâcheuse inspiration de dire « Tiens, vous voilà. Je pensais que vous auriez couché rue de Lisbonne, afin d'être de meilleure heure demain à vos affaires. » « Eh bien, Claire, » interrompit vivement la générale, « que signifie ceci ?»« Ne faites pas attention, ma mère, » dit Raymond avec amertume. « Claire me donne un excellent conseil, dont je saurai profiter à l'occasion. » En effet, il retourna le jour suivant à Paris et ne rentra pas le soir. Après avoir dîné seul dans son appartement, il fut sur le point de sauter dans une voiture et de se faire conduire à la gare, tant il avait souffert de ne pas voir en face de lui de l'autre côté de la table, le visage de sa femme. Au même moment, Claire se demandait si elle n'allait pas partir pour Paris. Mais le sentiment de fausse dignité, l'aveugle instinct d'entêtement, la sorte de rage stupide et impie qui leur avait déjà fait tant de mal, prévalut cette fois encore. Sur le premier mouvement, où s'était montrée l'impulsion vraie du cœur de ces deux êtres, séparés par un malentendu cruel, alors que tant de liens doux et puissants les attachaient pourtant l'un à l'autre. Claire ne va pas plus chercher son mari que Raymond n'alla retrouver sa femme, et pour la première fois depuis 2 années, Ils passèrent la nuit chacun sous un toit différent. Le lendemain, Raymond arriva plus tôt et resta plus longtemps que d'ordinaire chez Madame de Sizrac. Ses allures, sa parole avaient quelque chose de nerveux et de saccadé. Il lui fit, sur une toilette neuve qu'elle portait ce jour-là, des compliments plus vifs qu'il n'avait encore accoutumés, et le regard, accompagné d'un mystérieux sourire, dont cette femme experte en psychologie masculine le suivit quand il quitta son boudoir, disait assez qu'elle ne croyait plus guère éloigné le moment où il se déclarerait tout à fait. Dénouement qui lui semblait tellement logique, qu'il y était un peu plus que résigné, sans tenir toutefois à le précipiter, car il est un âge, pour son sexe comme pour l'autre, où les gourmets d'amour trouvent presque plus de piquant, un charme plus raffiné dans les préliminaires, qui diffèrent souvent, que dans la conclusion, sur laquelle ils n'ont en général plus grand-chose à prendre, et qui unit à des mérites, que d'ailleurs ils ne méconnaissent point, le défaut d'être, hélas, toujours ou peu s'en faut, la même. Après ces 24 heures d'absence, Raymond revint à Châteaufrayer. Il trouva sa mère et sa femme travaillant à quelque ouvrage de couture au salon. Elles avaient l'air tristes. Il essaya, non sans un peu d'embarras, d'expliquer qu'il avait dû rester à Paris la veille, afin de refaire et de remettre aussitôt à l'imprimeur une partie du chapitre qui s'était égarée. Mais dès les premiers mots, Claire l'interrompit. Vous n'avez de compte à rendre ni à votre mère ni à moi. Inutile donc d'apporter des explications que je ne vous demande pas. Je veux croire que vous avez eu en effet de bonnes raisons pour ne pas rentrer hier. La prochaine fois, prenez seulement la peine d'envoyer une dépêche. De toute la soirée, elle ne lui adressa pas une seule fois la parole. Madame Blachère était elle-même trop affligée, trop inquiète de ce qu'elle voyait, pour réussir à mettre en train une conversation ainsi qu'elle essaya timidement de le faire. À 10 heures, Claire sortira. « Bonsoir, » dit gravement la générale à Raymond en se levant à son tour. « On dit que la nuit porte conseil. Tu reconnaîtras demain, j'espère, que le moment est mal choisi pour faire de la peine à ta femme. » Resté seul, il ouvrit la porte qui met le salon en communication de plein pied avec le parc et sortit. La nuit était claire. Au-dedans de lui-même, le jeune homme ne voyait que ténèbres, tant étaient confuses les idées qui s'agitaient dans son esprit et contradictoires les sentiments qui s'entrechoquaient dans son cœur. Un instinct de révolte luttait en lui contre l'habitude ancienne qu'il avait d'obéir à sa mère et le poussait pour la première fois à ne pas tenir compte de l'avertissement qu'elle venait de lui donner. Puis il se reprochait de l'avoir laissé partir sans l'embrasser, tendre et respectueux de voir qu'il n'avait jamais jusqu'alors manqué de lui rendre un seul soir. Il se répétait à lui-même les paroles sévères que Claire avait prononcées, mais au moment où il allait s'en émouvoir, où quelque chose comme un remords commençait à le gagner, l'image de la marquise envahit brusquement sa pensée, et aussitôt il eut honte de s'abandonner comme un enfant aux impulsions de cette sensibilité que son ironique ami avait si souvent raillée. S'étant assis sur le banc de gazon, il vit de la lumière à la fenêtre de la chambre de sa femme. Alors il ne regarda plus que cette belle lumineuse qui se détachait sur la façade sombre du château. Et avec son regard, sa pensée pénétra dans cette chambre. Une grande chambre virginale, toute blanche et bleue, que Madame Blachère avait installée pour sa belle-fille à côté de celle de son fils. Il se demanda ce qu'elle faisait à cette heure tardive, s'il était encore en train de peigner, debout en chemise devant la glace, ses longs cheveux châtains qui tombaient comme un manteau sur ses épaules, ou bien si elle était déjà couchée dans le large lit bas à rideau de Perse. Et cette lueur, qui brillait seule au milieu du bâtiment noirâtre, le fascinait, l'attirait. Il se faisait l'effet d'un marin perdu en pleine mer, battu dans sa frêle barque par les flots et qui aperçoit enfin le phare sauveur. Un grand frisson d'amour le secoua. Il se leva brusquement. À ce moment même, la lumière s'éteignit. Telle était la tension de ses nerfs que la disparition soudaine de ce point brillant le fit tressaillir et qu'une sensation douloureuse retentit jusqu'au fond de son être. Il traversa rapidement la pelouse, rentra dans le salon, monta. Ah, comme il allait répondre à ce qu'elle avait demandé l'autre soir devant la statue et lui dire qu'il l'aimait toujours. Il se dirigea vers la porte qui faisait communiquer sa propre chambre avec celle de sa femme. Il marchait sur la pointe des pieds, sentant battre à grands coups son cœur, ému comme le premier soir où il s'était trouvé ainsi seul auprès d'elle. La porte était fermée, il voulait l'ouvrir, elle résista. Alors, comprenant que Claire avait mis le verrou, il fut sur le point, dans un mouvement de rage, d'enfoncer l'obstacle d'un coup de pied. Mais il pensa que le fait seul d'avoir eu recours à cette injurieuse précaution dressait entre elle et lui une barrière plus infranchissable que celle qu'il allait détruire, et il se contint. Seulement, il retourna le lendemain à Paris, passa 2 heures chez Madame de Sizrac, et en la quittant, licence qu'il n'avait encore jamais prise, lui baisa la main. Ce qui permit à la marquise de constater qu'elle ne s'était point trompée en soupçonnant, depuis assez longtemps déjà, qu'il devait avoir la moustache très douce. Le mois de juin s'écoula tristement pour les hôtes de Château-Frayé. Sous prétexte d'épreuves à corriger, de conférences avec son éditeur, Raymond allait presque tous les jours à Paris, depuis le matin jusqu'à l'heure du dîner. Claire non seulement n'essayait pas de le retenir, mais mettait même une sorte de point d'honneur à ne jamais lui adresser de questions sur l'emploi de son temps. Raymond, qui se plaignait naguère d'être soumis à de véritables interrogatoires chaque fois qu'il avait passé 2 heures hors de chez lui, s'irritait maintenant de cette indifférence, sans même chercher à savoir jusqu'à quel point elle était sincère. Pour se venger de l'intention offensante qu'il croyait y surprendre, le jeune homme s'abstint peu à peu de raconter en rentrant ce qu'il avait fait. Ils prirent insensiblement, l'un avec l'autre, ce ton de réserve, cette affectation d'égards extérieurs, cette recherche, excessive entre époux, de politesse et de discrétion, qui cache mal, sous l'apparence d'une froide harmonie, le conflit muet et sans trêve de 2 âmes irrémédiablement dissociées. L'intimité de Claire avec la générale augmenta. Au lieu de s'en féliciter, comme il n'aurait pas manqué de le faire en d'autres circonstances, Raymond en conçut une sorte de dépit, inspiré sans doute par quelque secrète jalousie qui le poussait, sans qu'il eût nettement conscience du sentiment mauvais auquel il obéissait, à voir dans l'affection et dans la confiance que les 2 femmes se témoignaient quelque chose comme un larcin dont lui-même était victime. Pendant les longues heures qu'elles passaient en tête à tête, Claire et sa belle-mère parlaient souvent de Raymond. « Enfin, disait la jeune femme, que lui ai-je fait pour qu'il me délaisse ainsi maintenant? Pourquoi son caractère change-t-il à ce point? Que se passe-t-il en lui ?» Madame Blacher s'ingéniait à la rassurer, se portait garante des sentiments de son fils, de sa conduite même, sur laquelle Claire avait 1 ou 2 fois élevé des doutes. « Tous ces petits nuages se dissiperont, disait-elle, je vous le jure. Ils auraient déjà disparu, s'il n'y avait entre vous comme une émulation de maladresse. Vous faites l'un et l'autre de la dignité hors de propos. C'est de la tendresse, c'est de la confiance, c'est de l'épanchement qu'il faudrait. Ah, les malheureux enfants qui s'adorent et qui ne veulent pas se le dire, parce que chacun d'eux regarde comme une humiliation de parler avant l'autre, qui meurent d'envie de se tendre les bras et qui restent en présence, froid et gourmé, parce que ni l'un ni l'autre ne veut faire le premier pas en avant. Mais vous ne voyez donc pas qu'il ne resterait plus rien de tous vos griefs réciproques, sans cette ombrageuse susceptibilité qui double la gravité de ceux qui existent et en fait naître à tout moment de nouveau. Oh, les fous, qui ne comprennent pas le mal qu'on se fait quand on mêle l'amour-propre aux choses de l'amour. Au fond, il s'en fallait de beaucoup que Madame Blacher fût aussi tranquille qu'elle affectait de l'être. Autant et plus que Claire, elle était frappée du changement qui s'était accompli dans le caractère, dans les idées, dans les allures même de son fils. L'assidue fréquentation d'une personne aussi parfaitement distinguée que l'était Madame de Sizrac avait, à ne considérer que les dehors, rendu certains services à Raymond. Il ne restait plus trace en lui de cette timidité un peu gauche, dont l'habitude du monde, tardivement prise, ne l'avait pas tout à fait guéri. Son assurance, sa présence d'esprit, l'aisance de ses manières, la correction de sa tenue, était devenue précisément ce que sa femme désirait qu'elle fût, à l'époque où Claire lui reprochait quelquefois de ne point se montrer assez homme du monde. Mais en même temps, et c'était justement là ce qui effrayait sa mère, il semblait avoir subi la contagion de ce scepticisme qu'on respirait dans l'entourage de la marquise. Il se défiait maintenant comme d'une faiblesse, de la faculté d'enthousiasme, qui faisait pourtant le fond de sa nature. de son imagination et de sa sensibilité, auxquelles il s'était jusqu'alors abandonné. Il avait pris le goût de chercher dans ses propres sentiments, comme dans ceux des autres, ce qui pouvait prêter matière à ironie. Il paraissait avoir perdu de son respect pour le mariage, et cela, au moment où Claire, après avoir imprudemment souhaité d'être aimée, un peu plus comme une maîtresse, commençait à souffrir de ne pas l'être assez comme une épouse. L'honnêteté de son fils inspirait à la générale trop de confiance pour qu'elle le soupçonnât d'être descendue jusqu'à la bassesse d'une trahison. Mais son instinct de mère devinait qu'une influence de femme, d'autant plus dangereuse qu'elle était plus cachée, s'exerçait secrètement sur lui. Précisément à la même époque, une évolution morale bien différente achevait de s'opérer chez Claire. La révélation de tout un monde de sentiments inconnus d'elle auparavant, qui avait accompagné l'annonce de sa prochaine maternité, la direction nouvelle que Madame Blacher avait donnée à ses idées, le progrès continu de son amour pour Raymond, la jalousie vague dont elle avait ressenti les premières atteintes, la souffrance de voir son mari moins tendre, moins affectueux, au moment même où elle se décidait enfin à comprendre le prix que l'affection et la tendresse donnent à la vie conjugale, tout, enfin, semblait depuis un an avoir conspiré à l'entière et définitive rénovation de son être moral. Son humeur était devenue plus égale, plus douce, avec une nuance de mélancolie et de résignation, qui s'ajoutait, comme pour rendre plus touchante encore la jeune femme, aux signes extérieurs, de jour en jour plus visibles, de son état. Les questions qu'elle adressait à Madame Blacher, au cours de leurs interminables entretiens, dénotaient une sollicitude très vive pour tout ce qui concernait son futur métier de mère. Elle s'informait des soins qu'il faut donner aux enfants quand ils viennent au monde, puis à l'époque des premières dents et du sevrage. Un jour, elle annonça l'intention de nourrir, ce qui fit pousser les hauts cris à Madame le couturier. « Tu n'y penses pas, » disait cette digne femme, « c'est de la folie, tu vas me perdre ta gorge. » À quoi Claire répondit tranquillement que tous les médecins étaient partisans de l'allaitement maternel et qu'elle nourrirait, dussent les sinistres pronostics de sa mère se réaliser. Chaque jour, elle faisait avec la générale une promenade en voiture. Parfois, en traversant le village, on s'arrêtait pour visiter des pauvres recommandés par le curé. La jeune femme descendait de la Victoria, entrait un instant dans quelque horrible taudis, où elle laissait tantôt un paquet de vivres ou de vieux vêtements, tantôt un petit secours en argent, toujours de douces paroles qui réconfortaient ces misérables, et Madame Blacher se sentait prise d'une joie profonde, mêlée d'attendrissement, en voyant sa belle-fille se livrer à l'exercice de cette divine vertu de charité qu'elle avait si peu pratiquée jusqu'alors. Positivement, Madame la Baronne, disait l'abbé Papillon, je ne reconnais plus ma Claire d'autrefois. Je vous assure que je commence à lui trouver une petite odeur de sainteté. Et Raymond, que me dites-vous de lui? Raymond, ma foi, je ne sais trop que vous répondre. Il change lui aussi, c'est certain. Un peu plus même que je n'aurais voulu. Mais le fond de ma philosophie, comme vous savez, est que tout finit par s'arranger. En ce moment, votre fils boude sa femme, qui le lui rend. Quand il y aura entre eux un petit Blacher pour leur servir de trait d'union, vous verrez que tout ira bien. Dieu vous entende, mon bon abbé, mais qu'ils sont encore loin, les pauvres enfants, de cette union dont vous leur avez parlé en les mariant. Bah, qui sait? Plus près peut-être que vous ne croyez. Ce que je vois de plus clair dans tout cela, c'est qu'ils ont fait une manière de chasser croisée. Le mari a emprunté les goûts de la femme ceux du mari. L'élan qu'ils ont pris pour se rejoindre était si vigoureux qu'ils se sont dépassés. Soyez sûrs qu'ils reviendront sur leurs pas. Avez-vous quelquefois pesé du doigt sur le fléau d'une balance? L'un des bouts du fléau monte tandis que l'autre descend. C'est à croire qu'ils ne seront jamais de niveau. Un peu de temps se passe et l'équilibre se rétablit. Il en sera de même, madame, pour vos enfants.